Долго под ветрами. Bonsoir à tous. Bienvenue aux entretiens de Grenoble. Je suis ici avec Crystal Geometry. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'être venu. Bah, je t'en prie. En ce mercredi de l'armistice. Voilà, on est en 1995 là et on écoute Skyrock. Ah, d'accord. Eh ben, d'accord. Si tu le dis. On va écouter ça donc. Ou tu vas en parler avant, non? Ouais, je vais en parler vite fait. Voilà, donc ouais. En fait, c'est ma découverte du hardcore. J'étais au lycée, un soir sur Skyrock, ben voilà, il y a ça qui est passé. J'ai enregistré sur une cassette, j'avais aucune idée de ce que c'était. En l'occurrence, c'est DJ Freak, mais je connais toujours pas les morceaux. 25 ans plus tard, je sais toujours pas ce que c'est. Et c'est comme ça que je suis passé du métal au hardcore. On est parti pour 9 minutes de Skyrock. C'est parti, merci. Victor, nettoyeur. tétane et un chargeur en plus en cas de nécessité. Quand j'étais au lycée, voilà la, ma découverte. C'est bien, j'ai juste à dire ouais, et hop, et bah ouais, j'enchaîne. T'enchaînes. Je voulais parler du 11 septembre, du 11 septembre. Non, quand même. Vas-y. Ouais, c'est bon, j'enchaîne. C'est ok. Ma revanche. Donc en 95, après avoir découvert ce truc, je cherchais à trouver du hardcore et c'était juste introuvable pour moi. J'étais au lycée, il n'y avait pas internet, je connaissais aucun disquaire, je connaissais pas la scène, rien du tout. Et donc le seul autre truc de l'année en 95 que j'ai pu entendre en hardcore, c'est ce qui va arriver, c'est Technoed, I Want To Be A Hippie, 5. Qui est passé sur nulle part ailleurs en prime time. Voilà. Et donc, et donc ce truc-là passé après sur les chaînes de Gaulle, télé, Philippe etc. Gildas. Voilà, c'est exactement ça. Allez, c'est parti. I want to be a Bordet arrive et... Bon. Mais c'est bizarre, ça... C'est quoi, c'est le BPM qui le rend hardcore, mais y a pas du tout, c'est pas du tout hardcore pour moi. Pour l'époque, c'est ça qu'on appelle c'est le hardcore. Violent. Et ce truc que j'avais écouté sur Skyrock, c'était introuvable. Et j'ai mis vraiment super longtemps avant de retrouver un son qui sonnait industriel. Tout ce qui était présenté comme du hardcore, tout ce qu'on trouvait dans les rayons à la Fnac ou dans les disquaires grand public, bah, c'était des trucs comme ça, là, comme Technohead ou les premiers Thunderdome, et ça avait rien à voir avec ce qu'on a pu écouter au début. Donc happy hardcore. Ouais, c'est les premiers du happy hardcore quoi. Donc en 96, j'ai fini par mettre la main sur un autre CD de Laurent Haut, Hardcore 3. Donc là on va écouter donc les trois morceaux. Premier morceau de Christian Vogel, Subversion. Ensuite Manga Corp, The Hunter et Napalm numéro 4, phase B2. C'est déjà beaucoup mieux ouais. C'est moins neuneux quoi. We'll be right back. ça donc c'est, soyons clairs, hein. C'est un mix de Laurent Ho. Ouais, c'est un mix de Laurent Ho, donc DJ français, hein, pote de Lisa Nélias, etc., de la scène parisienne de l'époque. Et là, le premier morceau c'était Christian Vogel et après ouais, Christian Vogel le premier morceau, après c'était Manga Corp, donc Lunatic Asylum et Emmanuel Malin en duo, ah oui. Et après donc le Napalm numéro 4, la face B2. Donc là on arrive en 97, année où plein de mix excellents qui sont sortis et que j'ai pu acheter. Napalm numéro 4, c'est quelqu'un, excuse-moi. C'est un label, c'est un le label. Disque numéro 4 du D'accord. label, c'est anonyme entre guillemets. Okay. Et voilà, et c'était B2. Okay. Et donc là on passe sur le morceau 2 de la phase B. Gros points, Armor Battle, enchaîné avec Noise Creator, Fucking Bastard et UVC Half Dead. Ok. Fixé par DJ Olive. Ça marche. Allez, on se dépêche parce que le morceau dure. About my Morgan. Tonal. Tu trouvais ça cool que ce soit pas tonal? Ouais, c'est exactement ça. À l'époque, ouais, ouais. Moi j'aimais la musique comme ça, complètement brutale. Puis ça va un peu changer avec la sortie de Biomécanique 1, donc le mix mythique de Manu le Malin là, qui sort la même année, un peu plus tard, et qui vraiment m'a apporté, je sais pas, enfin c'est une très très grosse influence pour moi. Même si le passage que j'ai choisi, c'est un passage violent aussi, et pas très. Ouais, tu peux préciser que, enfin, il faut préciser qu'à part le morceau Technoed, c'est que des extraits de mix. Pour l'instant, ouais. Ouais, pour l'instant, c'est que des extraits de mix. Ah, ça s'entend sûrement, mais. Bien sûr. Préciser. Donc là, donc trois morceaux mixés par Manu le Malin: French Connection, Biohazard, FFM, Shadow Orchestra, Killing Zoo et DJ Cybersnuff, Speed Junkies. Très bien. Allez. most important thing that in life we cool. The feel of c'est un peu mou là quand même, je trouve. Mais bon. Ouais, mais t'inquiète pas, là on arrive. Donc en 98, il y a aussi un mix fameux qui est sorti de DJ Freak qui s'appelle Hardcore Electronic Techno. Et là par contre, c'est la violence ultime. Donc j'ai mis le début, donc ça vous donne, ça vous laissera présager un peu de ce que ça pouvait donner sur la suite du mix. Donc c'est Noise Creator avec Killing Rate, puis UK School Fuck avec La Haine, Noise Creator Olympic Park, Pressurehead. Et ça sera mort, ça sera fini, vous allez voir, c'est, ça déménage. Il y a 5 morceaux alors en 10 minutes. 4. 4. I challenge! I'll shot you! We don't smoke marijuana. We don't smoke. sa mère. Puis sa mère. Thank you.

une soirée de Nouvel An à la Villa Médicis, mais on m'a coupé. Bon, bref, tu vois, ça, chacun ses combats. Bref, alors... Nous revoilà en 98. Ouais, ok, avec un morceau sans aucune information. Là. Bah, un extrait de mix sans aucune information. Non, c'est pas un extrait de mix. Le prochain morceau, en fait, c'est un peu l'hymne de quand j'ai commencé à aller en free party en 98. C'est le DSP-02, avec un sample fameux qui est pris dans Akira, que je vous laisse découvrir dans ce morceau. Donc là, c'est plus du hardcore, c'est plutôt de la tribe, mais bon... Consommation normale de temps en temps. Hey, toi, t'as qu'à consommer. C'est pas un nightclub ici. Ouais. Donc pour rester dans la thématique, le prochain, l'année d'après, en fait, c'est la sortie de Neurophony, l'album mythique de Micropoint, qui vraiment lance le Frenchcore. Et donc j'ai choisi un morceau bon, qui rappelle un peu ces histoires de prise de drogue. Mm-hmm. Dosage correct. Dosage correct. Génial. Avec un sample de THX 1138, c'est ça hein. Je sais pas, je c'est sais le premier film de Lucas. Oh, tu vas voir. Ah oui, peut-être. Ouais. Mais non, c'est l'effet qu'il a. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas l'effet. Non, je crois que c'est ça. Hein. Okay. THX 1138. D'accord. Attention, le son est bien meilleur hein, sur celui-ci. C'est vrai qu'on se sent mieux. Moi je me sens beaucoup mieux. Ouais. C'est la dose correcte de Frenchcore. Donc là on revient quand même à des trucs un peu plus sérieux. Ouais, là c'est la biomécanique numéro 2, ouais. Manu le Malin. Donc on commence par Converter avec un morceau au titre imprononçable, Denoginizer ou je sais pas quoi. Ensuite il y aura Mescalinum United, We Have a Ride, le remix d'Apex Twin. Et enfin un morceau de Panacea, Twisted Designs. Et donc là on s'est un peu éloigné d'un truc Là, on est plus lent, en fait. Parcours autobiographique. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, Biomechanic Go, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup influencé plutôt. Pour partir vers une musique plus sombre, en fait, et moins bourrine, d'une manière générale. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Panacea, pardon. Ouais, avec qui je suis maintenant signé sur Sonic Groove actuellement, enfin 25 ans plus tard, enfin bon. Donc là on arrive en fait aux années 2000 et le prochain morceau en fait c'est un des premiers morceaux à moi qui est sorti sur vinyle, donc c'est Neuromancy que j'ai sorti à l'époque sous le pseudo de Hardmax qui va arriver d'ici Qu'est-ce que c'est une Neuromancy? En fait c'est inspiré par William Gibson, Neuromancer, le premier roman cyberpunk qui m'avait beaucoup influencé quand j'étais lycéen. Voilà. Donc c'est un hommage à William. À Bill. Sorti donc t'as dit en 2000? Ouais, c'est sorti en fin 2000. Je m'excuse par avance par la mauvaise qualité sonore. Okay. J'étais pas très bon à l'époque. D'accord. Pas que je sois meilleur maintenant, mais peut-être un peu quand même. Ah. Salut Lily, ça va? Salut. Donc le prochain, C'est mon premier track en tant que Dead Face, donc un duo que j'avais avec un pote qui nous écoute ce soir. Voilà. Donc c'est le truc que j'avais fait qui a le mieux marché avant Crystal Geometry. Et donc c'est du hardcore Frenchcore, mais avec une ambiance un peu dark, on va dire. Voilà, donc ça c'est le premier track sorti sur Tracking Wave, le label de Joshua. Merci. C'est Cannibalism. We'll be right back. Ouais, les entretiens de Grenoble avec Crystal Geometry. Qui est présent. Qui est présent à la voix et au son. Qui donc. Met tous les morceaux ce soir, à part sauf un. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, donc là, tu c'est Manu le Malin, donc. Ouais, alors là, c'est le début d'un mix de Manu Malin avec justement un morceau de Praxis qui était réclamé dans le sur chat. Sur le chat, ouais. Voilà. Donc le premier, c'est sorti sur Praxis. Et là, en fait, j'ai mis ce début de mix parce que c'est vraiment un showcase des skills de DJ de Manu Malin. Il y a du scratch, il y a de tout. Il y a trois une morceaux démonstration en même pas des, 6 minutes de toutes les techniques de DJ. Voilà. C'est impressionnant. We'll be right back. toujours les entretiens de Grenoble avec Max. Crystal Geometry, ouais. Voilà, ouais. Toujours présent. Toujours présent, pas encore parti. Je pense qu'on va déborder un peu sur le flux principal, ça va s'arrêter dans 5 minutes. Mais voilà, ça continuera sur le flux entretien de Grenoble. Donc là on est passé encore sur un mix de Je vais expliquer, ouais, les 10 prochaines minutes en fait c'est Nordcore, c'est un label allemand où, dont je me sens très proche même si j'ai jamais signé chez eux. Et là en fait c'est juste un enchaînement de deux titres assez longs que Manu fait sur une Mysteryland. C'est pour ça aussi que je l'ai mis parce que bah, à l'époque voilà Mysteryland c'était ça. Hein. C'était pas ce truc commercial que c'est devenu. En 2003, Mysteryland, c'est ça qu'on écoutait quand on y était. Envoie le son. Ouais, ouais. C'est parti. Bonjour, il est 7h04 et on est sur Radio PSG. C'est la matinale avec Orbert et Danos. On est sur nos pattes. Quelques invités virtuels. Ouais, on a des brèves et ils font passer. Ouais, quelques clients. Il n'y a pas le livreur. Et puis, donc il n'y a pas la fille de rescapée non plus. Ouais, il n'y a pas Mouloud non plus qui n'a pas ouvert le Vanilla, donc on est dans la rue, hein, on est à l'angle d'Estienne-d'Orve et d'André Joanneau, de Honoré d'Estienne-d'Orve, André Joanneau. Le livreur de la pharmacie. Voilà, c'est la rue. Moi, je l'ai rappelé, je l'avais prévenu. Je lui avais dit ouais, ne m'oublie pas. Et puis, il n'y a pas eu de... Il y a eu un rappel. Je vais tenter de se mettre sur le chat, bien sûr, pour voir si vous nous écoutez, si vous avez des questions à poser. Mais personne n'a été prévenu, non, c'est ça. C'est... Si, je te dis, je l'ai prévenu. Ouais. Mais qui ? Mouloud. Non, Mouloud, oui, bien sûr. Non, je parle de nos auditeurs. Moi, j'ai un petit mail, bien sûr. D'accord, super. Moi, j'ai voulu, mais... Alors, moi, je vous réserve plein de surprises, exceptionnellement. Enfin, j'ai une surprise. C'est toujours un grand moment. Il y a beaucoup de monde au Vanilla, donc ce matin, 7h06. Bon, ça va être l'heure de la... de l'ouverture. Ça va être l'heure de la chronique. On ne pourra pas nous reprocher de pas être à l'heure. Hein. Ah, on a des informations. On a reçu un texto à 7h07. Il est là dans une minute. Évidemment, on va avoir un peu d'installation, mais c'est pas grave, on va laisser tourner la bécane. Putain, j'ai trouvé le réseau tout de suite. T'as vu ça, lui ? Lui, il utilise les antennes, les armes comme antennes. General Square. On est... Pour faire de la radio. Ah. Alors, qu'en est-il ? P17 Box. Bah alors... Qu'en est-il ? Pourquoi elle est ? Elle est où ? C'est pas ça. Bon, ça commence, hein. Ça me tape sur le système, ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? You know I wanna be my baby. You know I wanna be my baby. Ah bah si, c'est là, voilà. Si, c'est là. Bah oui, bien sûr. La Voix du désert, la semaine prochaine, la conférence a lieu. Dans les investissements sur les royaumes saoudiens pour d'autres précieuses invités comme les directions HSBC suisse de 7h30. Un an de sursis pour Michel Barnier, négociateur en chef des élections européennes. Une prolongation d'un an jusqu'en 2021, jusqu'à la période de transition qui débutera à compter du Brexit, donc le 29 mars prochain. C'est ce qu'a dit le Financial Times, les diplomates européens. Alors que les 27 se retrouvent autour d'un dîner ce soir à Bruxelles, avant le sommet européen demain, en présence cette fois de la Première ministre Theresa May, à ce stade, Londres et Bruxelles ne sont toujours pas d'accord sur les divorces, les modalités de divorce. Le principe de blocage reste la question de la frontière irlandaise Isabelle Laberry. Depuis les accords de paix de 1998, il n'y a plus de frontière physique entre la République d'Irlande et sa voisine du Nord, restée province britannique. Et sur ce point, Londres et Bruxelles ont la même exigence, pas question de la rétablir. Le problème, c'est que Theresa May a été de son pays de l'Union européenne douanière. Scénario devenu impossible avec une frontière ouverte. une des solutions, ce serait de permettre à l'Irlande du Nord de rester de façon temporaire dans le marché unique. Mais c'est là que ça coince. Les plus europhobes des conservateurs y voient un Brexit au rabais et on ne voit pas bien comment sortir de l'impasse. Hier, le président du Conseil européen a demandé à Theresa May de faire preuve de créativité, ce qui devait être un sommet décisif. Salut Mouloud, ça va bien ? Ouais, très bien. Bonjour, bonjour. J'ai oublié la clé. Très bien, super. Peuvent se poursuivre jusqu'à la fin décembre. Et pour éviter de reconstruire des points de douane ou de blagues, Bruxelles propose de laisser les Nord-Irlandais dans l'Union européenne. Mais cette solution, qui les séparait du reste du Royaume-Uni, reste totalement inacceptable pour les unionistes à 7h moins le quart. Plongé au cœur du quartier protestant de Belfast, c'était en version signée Antoine Gignot. Une réunion cruciale aujourd'hui sur la force ouvrière. La direction élargie du syndicat se réunit ce matin après la révélation par laquelle a enchaîné d'un fichier controversé sur les cadres du syndicat. L'une des plus grandes crises internes que Force Ouvrière traverse, une crise qui dépasse les clivages. C'est pas la première fois. Officiellement, Pascal Cavageau est malade, voilà pourquoi il n'a pas pu assister à la commission exécutive qui se tiendra malgré tout aujourd'hui. Et puis la révélation du réveil la semaine dernière, le leader de FO a reconnu. Alors aujourd'hui, grande première, on a eu l'occasion d'installer le studio. Évidemment, il y aura une petite déconnexion tout à l'heure. There will be a small déconnexion. Anarchiste trop proche de la CFDT ou encore redevable de Pascal Cavageau. Entre-temps, surtout deux patrons de fédération, celui de la métallurgie et celui de l'enseignement, on sera là en attendant. Un texte commun pour affirmer haut et fort que ce sont les individus qui ont repassé un passage illégal, mais pas le syndicat. Les deux hommes sont sur des lignes diamétralement opposées. La réformiste, l'autre trotskiste, ces déclarations communes et celle donc d'une entente qui dépasse les clivages au sein de l'organisation, et celle aussi sans doute, celle de Pascal Cavageau, puisqu'il a de deux tendances, ce qui ressemble 80% des voix à la commission exécutive qui se réunit aujourd'hui. Le syndicat FO a lui-même révélé un aveu de fichage défaut à France Télévisions, a accepté sans représentation pragmatique en son sein, aurait tout un souci syndical. Le temps de se macrer-t-il une vigilance orange dans l'Aude, toujours une vigilance pour inondation, qui laisse dans l'Hexagone une ancienne nuage d'éclaircies, et qui comprise entre 3 et 9 degrés dans l'Est, 8 à 14 degrés en général, jusqu'à 18 près de la Méditerranée, au meilleur de la journée, 8 à 15 en montagne, 19 à 25 partout ailleurs. Merci beaucoup Catherine Dutu, 7h12 sur France Culture. Peut-on parler d'une recrudescence de violence entre bandes Guillaume Werner, ça va? Salut Guillaume Werner, on a de la chance, on reçoit Guillaume Werner. Ça va Guillaume? Merci Guillaume, d'être passé. Salut Guillaume Hermer, il fait pas la terre non plus. Guillaume Hermer, terre. 7h13. Les matins de Radio PSG, c'est la matinale. Vous êtes en direct sur la matinale de Radio PSG avec Orbert et Danos et Guillaume Hermer. Vous voyez passer le deuxième. Enfin, vous entendez. Enfin, si vous regardez bien par notre caméra, vous voyez passer le deuxième camion poubelle de ce matin. Et regardez bien. Hein. Et donc, on est accompagné par deux. Il y a mon concierge qui traverse la rue. Deux, ils sont quatre. Mon concierge, enfin le mari de ma concierge qui traverse la rue, on va lui dire bonjour. J'espère qu'il va passer à côté, comme ça il va dire bonjour. Ah, il s'éloigne un peu. Bonjour Christophe Soumez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la délinquance. Exceptionnellement, je suis de bonne humeur. Alors s'agit-il d'un phénomène nouveau, ces rivalités entre bandes avec de très jeunes victimes? Non, ça n'a rien de nouveau. C'est un phénomène qui est très ancien. C'est le problème. Là, t'inventes. Enfin, au maximum. Là, t'inventes. Effectivement, si on n'a pas de. Ça y est, il y a la clé. Effectivement. Maintenant, il va falloir installer le bordel. Ok. De combien de personnes Tac, Radio PSG marche peu. Ça marche toujours? Ça marche peu. Tu fais doucement, hein? Ouais, j'y vais tout doucement. Doucement, hein? Voilà. Ah, quel phénomène en France? Est-ce que c'est déjà le cas? Alors, effectivement, il y a des bandes qui sont plus ou moins organisées, enfin, sont principalement tournées vers une. Je dis, les du trafic de stupéfiants. Et puis, il y a des bandes de quartier. qui sont plus particuliers, enfin si vous voulez, qui ont plus dans les opportunités et qui sont plus attachés dans le contrôle des territoires, enfin ouais, finalement à la défense de la réputation d'un quartier, mais finalement pour la question d'honneur, de respect et d'essentiel, les protagonistes ne se souviennent même plus des origines des conflits. Dis, il y a un truc que j'ai pas, toi tu peux pas passer chez toi. Hein ? Tu peux pas passer chez toi. Bah non, je peux pas là. Parce que tu veux quoi ? Parce que j'ai pas de multiprise. De multiprise ? Avec trois prises. Ah bah ouais. Tu vas là comme ça ? Là je comprends. Ouais, ouais, bien sûr. Bon allez hop. Ça peut potentiellement aller assez vite. Alors attention, il y a des choses très fragiles dans mon sac. Tac, ça, ça va. Sinon, je pense vite à la maison, hein, c'est pas... Écoute, ici, il y a des outils ou pas ? Ah, bah, ah voilà, ouais, voilà, ouais, c'est très bien ça. Ah, bravo, merci Mouloud, le tourillon. Voilà. Excellent. Je crois que j'ai pris de ton côté. Bah, vas-y, de mon côté. Voilà, donc on s'installe. Eh, hey, j'ai un truc, j'ai trouvé ça, regarde, pour brancher un câble, c'est pas mal. Hein. Un double RCA qui arrive sur. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, voilà, si tu peux me brancher ça. Puis ça. Ça, ça va là. Ça, c'est bon, ça va là. Alors, la partie fine. Ça, c'est mon installation machine à café. Ok. Est-ce que. Voilà, ça, c'est bon. Je vais même ramener un casque, sait-on jamais. Voilà. You know I wanna be my baby. You know I wanna... On pourrait installer des moulous dans la terrasse, mais on n'est pas en avance. Ben non, on n'est jamais en avance. Alors. J'installe donc la P-Box à la queue du truc. Elle a fonctionné hier soir, alors il n'y a pas de raison que. Ah non, c'est le câble. Voilà, ça, ça va là. Ça, c'est bon. Alors, la petite astuce, ça va être donc de brancher le nagra. Eh ouais! Eh ouais! Ah, bah, voilà, tiens. Toi, dénoue pas tout, hein. Non, je sais bien, mais. Je vais où, à la boxe? Ouais. Voilà. Oh, bah, c'est pas ça, il y a un 51, 10 mètres là, 20 mètres, 10 mètres de câble. Pas non plus faire chier, quoi. Donc ça, ça sort là, ça rentre là. Ça ressort de là. C'est ça qui va me manquer, ouais, bah ouais, c'est ça qui me manque, quoi. C'est les mini jacks, quoi. Ça va manquer, hein. Ça va où, ça? Oh là là, j'ai appris, j'en ai plus à lire ce qu'il y a sur les machins. Est-ce que tu crois que... Est-ce que tu viens pour les vacances? Voilà, ça c'est bon. Ok, super. Donc normalement, là... On peut tout brancher et c'est la fête du slip. C'est-à-dire, chers auditeurs, on est vraiment ravis que vous soyez là. Mais. T'as les micros ? Oui, ils sont là. Ah ouais, chers auditeurs. Bon, après, on va s'installer. Mes fesses, quoi. Voilà, hop, ça, c'est bon. Ça, nous, tu l'installes, ça, hein. Mais alors, la question, c'est comment on faisait avant ? Comment on faisait pour quoi? Pour commencer à l'heure. Bah, je suis beau. T'es prêt, bébé? Ah oui, mais là, on va avoir un vrai problème. Bon, écoute, moi, mon ordi, pour l'instant, il va tenir. Alors, jeunes gens, je vous déconnecte un instant, mais c'est pour plus de plaisir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Vous m'entendez? Ouais. Pourquoi est-elle ronde? Parce qu'elle tourne. Pourquoi tourne-t-elle? Mais parce qu'elle est ronde. Pablo, Chico, Miguelito. Pablo, Chico, Miguelito. Pablo, Chico, Miguelito. Pablo, Chico, Miguelito. Bonjour. Today is hit day. Pablo, it say here under weather report. It say a front of warm air is moving in from Jamaica. Moderately high barometric pressure will cover the northeast and the deep south. A small danger of fruit frost. hot and humid nights can be expected. Hey, Benson, 95. Waterloo, 97. San Francisco, 99. Martinique, 105. Having a heat wave. A tropical heat wave. What's your name, honey? Temperature's rising. It isn't surprising. You certainly can. I started this heat wave. Goodbye, Chico. In such a way that the customers say that I certainly can. What's your name, honey? Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. Appartement secret de Sa Majesté. Il avait entendu parler du chef des travaux. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. give me 10 and I fuck all 10. Peanut is a bitch lying on the wall. Wall is a quick life. Peanut is a bitch. Can you do it, man, with peanut on a wide side? Take a walk with peanut on a wide side. Woo-hoo-hoo! That's a fucking good idea, man. Peanut is my brain. Insane in peanut brain. Insane in the brain. Insane in peanut brain. Insane in the brain. But peanut got no brain. No, man. Peanut is a bitch. Allô, allô, il est exactement 6h25min 30s. This is Pinode Radio, DAB plus 222.064 in Mulhouse, and on the web, www.